J'ai vu ta silhouette glisser sous la lumière, comme un rêve qui se perd avant de toucher la terre. T'avais ce pas tranquille, un air de liberté. Moi j'avançais fragile, prêt à tout abandonner. J'ai pensé te parler, mais les mots se bousculaient comme une vague trop haute que mon cœur redoutait. Pourtant t'as levé les yeux et tout s'est éclairé, comme si dans ton regard je pouvais respirer. Et depuis ce moment-là, je sais plus faire un pas sans toi. Retiens-moi encore, même si c'est juste pour un instant plus fort. Retiens-moi encore, comme si demain n'existait pas dehors. Si tu me portes un peu, je pourrais toucher le ciel avec tes mains. Retiens-moi encore et ne lâche rien. On a compté les heures sans jamais les comprendre. Deux ombres qui se cherchent pour mieux se réapprendre. T'avais cette façon douce de calmer mes orages. Moi je posais mes doutes au bord de ton courage. Et même dans le silence tu devinais mes peurs, comme si les mots s'écrivaient au rythme de ton cœur. Je veux garder nos nuits, nos chemins incertains, et sentir ta chaleur glisser contre mes mains. Depuis que je t'ai trouvé, je veux plus jamais reculer. Un jour tout s'efface, si nos rêves se déplacent, garde-moi près de toi, fais-moi croire une dernière fois, même dans l'ombre la plus noire, je te suivrai sans perdre l'espoir. Retiens-moi encore, même si c'est juste pour un souffle plus fort. Retiens-moi.